I then I go the fast yo. Once again, le seul encore sort de mes veines pis s'introduit dans mon cerveau qui produit des tonnes de mots, ça sort du bout de mon stylo. So, je les utilise pour kill mes rivaux. J'ai fait lâcher ton micro, ceux qui get pas le deal. Step up pour contest, mais avant je t'avise, c'est pas pour les tapettes. Fait que si t'es pas prête, conseil jet fight now. Ben vite, évite de rester dans le coin. Avec toi je l'ai maintenant fini. Yo, je ris d'en face des wacks qui ont pas encore compris. Faut qu'on dirait t'as rien appris, c'est pour ça ta tête est mise à prix a priori. Les real MCs percent, les fake cats on les transperce, je fracasse, fuck that. Des fois je ménise de back in the days. Y'avait ben des ways, la voix du fun à star y'en a plus. La raison c'est trop stress, ça vient que ça blesse. Lyricalement je démolis puis je te laisse avec le reste des autres MC qui ont tout fini par comprendre. Le respect n'a pas de prix, ayo la prochaine fois tu tentes ta chance. T'es mieux d'avoir ta tête mieux remplie. Sinon fais-toi sa chance que pour être real. Pour des skills au même ici, le respect il mérite. Sans la récompense des efforts fournis. La récompense des efforts fournis. Resurrect 2002. Yeah.